Dossier, page 7. Château-Gontier-Bazouges, une ville commerçante. Le commerce constitue un des piliers du dynamisme d'une ville. À Château-Gontier-Bazouges, l'ensemble des acteurs locaux participe au développement de son tissu commercial. Ce dossier est illustré d'une photo en gros plan d'une main féminine fouillant dans un présentoir de vêtements.